déjà, ne serai jamais prié. Quand il s'agit d'être ça, tu peux ranger tes billets. Y'en a qui l'aiment, qui c'est de la crème, faut qu'ils le savent, faut qu'ils l'apprennent. Mais c'est dans le game, on trouve la fouille, deviennent tout plein. C'est un dur blues. Le Denja ne se fait jamais prier. Quand il s'agit d'être ça, papka, à qui ce n'est qu'à. Y'en a qui l'aiment, qui c'est de la crème, faut qu'ils le savent, faut qu'ils l'apprennent. Mais c'est dans le game, on trouve la fouille, deviennent tout plein. C'est un dur blues. L'ambiance, danger imminent, les wacks sont incriminants. Dénonce d'un seul criminant, l'ambiance, non, non, pas ça. Gaza, c'est ici dans le souffle, tu fends des ciments issus du son du ciment. Madine, Kinshasa, Razia, Babka, Tifnega, Denja, psychologique, Kenja, Marwan, Darwa. Les doutes ont bien grandi, protège-toi de l'incendie. Les youths en insomnie débarquent tous à l'abri. Qu'est-ce t'en dis, homie, accepte. En lieu sur le lundi, le mardi, avec bien plus fort que Gandhi. Le péril concept, tu voulais qu'on m'en dit. Oubli et accept, one check pour la perdition. Rappeur kamikaze, en route pour la sédition. En un seul blast, street dangerous, street street dangerous. Les leaders ont la frousse, trop dangereux à leur trousse. Sortis du ghetto de la brousse, ils en sentent les secousses. Derrière eux ça pousse avec prouesse, mais qui est-ce? C'est les MC de la Sonesse, escroc, protège tes fesses. On a arraché la laisse, cognon lâche ton business. Le Denja ne se fait jamais prier. Quand il s'agit d'être ça, tu peux ranger tes billets. Y'en a qui l'aiment, qui c'est de la crème, faut qu'ils le savent, faut qu'ils l'apprennent. Mais c'est dans le game, on trouve la fouille, deviennent tout plein. C'est un dur blues. Le Denja ne se fait jamais prier. Quand il s'agit d'être ça, papka, à qui ce n'est qu'un. Y'en a qui l'aiment, qui c'est de la crème, faut qu'ils le savent, faut qu'ils l'apprennent. Mais c'est dans le game, on trouve la fouille, deviennent tout plein. C'est un dur blues. T'auras beau jouer les masses, t'auras beau jouer les as, on vient virer ta carcasse. Bah ouais, le danger c'est dégueulasse. On a les gros, on est tenaces. Joue pas les pros, c'est une menace. Y'a mes négros qui veulent leur place, avec elle posée de nos dédicaces. Bouge, bouge ton as, vers les MC classe A. Elle a fini à la casta, Tessa Rosa. En un tour de passe-passe, on habite à Gaza. Partager ça t'agace, la sortie c'est tout droit. T'as juste à suivre mon droit, c'est le geste qui fout droit. Pas l'habitude de prêter tes draps, ça j'avoue on s'en bat. On a la casquette de tenue de combat. Tu t'es pris ta disquette, vieux, dans la stomba. Fallait faire des featuring pendant que tu te prenais pour un king. T'aurais eu des sous sur le ring, au lieu d'être cash sur sa 7 ligne. Le Denja ne se fait jamais prier. Quand il s'agit d'être ça, tu peux ranger tes billets. Y'en a qui l'aiment, qui c'est de la crème, faut qu'ils le savent, faut qu'ils l'apprennent. Mais c'est dans le game, on trouve la fouille, deviennent tout plein. C'est un dur blues. Le Denja ne se fait jamais prier. Quand il s'agit d'être ça, tu peux ranger tes billets. Y'en a qui l'aiment, qui c'est de la crème, faut qu'ils le savent, faut qu'ils l'apprennent. Mais c'est dans le game, on trouve la fouille, deviennent tout plein. C'est un dur blues. Crossfade, Greeny Ghetto, Viri Chatila, Saint-Geneviève des Poires, Street Dangerous, Ulysse, Fleury, Mérogis, Every One, Riz, Orangis, Street Dangerous, La Fabrique, Le Quintet, Marwan, Race, Magière, les 3R, Street Dangerous, Philosophique, MC, MCH, TCK, DTS, Galcha, Street Dangerous. Le Denja ne se fait jamais prier. Quand il s'agit d'être ça, tu peux ranger tes billets. Y'en a qui l'aiment, qui c'est de la crème, faut qu'ils le savent, faut qu'ils l'apprennent. Mais c'est dans le game, on trouve la frousse, deviennent tout plein. C'est un dur blues. Le Denja ne se fait jamais prier. Quand il s'agit d'être ça, papka, à qui ce n'est qu'un. Y'en a qui l'aiment, qui c'est de la crème, faut qu'ils le savent, faut qu'ils l'apprennent. Mais c'est dans le game, on trouve la frousse, deviennent tout plein. C'est un dur blues.